Nous allons continuer dans 2 Samuel. 2 Samuel, nous arrivons au chapitre 18. Et avant ça, j'aimerais vous rappeler un passage dans le Deutéronome. C'est le Deutéronome 21. Si vous vous rappelez de Deutéronome 21, vous pouvez vous rappeler de Deutéronome 21-21. Et là, vous tombez en plein dans le passage, mais on va lire ce passage à partir du verset 18. « Si un homme a un fils indocile et rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père, ni celle de sa mère, s'il le châtie, c'est-à-dire s'il le corrige, et qu'il ne leur obéisse pas, le père et la mère le saisiront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte de l'endroit où il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui ne nous obéit point, c'est un débauché et un ivrogne. » Tous les hommes de sa ville le lapideront, c'est-à-dire qu'ils le feront mourir à coups de pierre et il mourra. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël apprenne et soit dans la crainte. » On comprend mieux maintenant que dans Jean chapitre 1, verset 14, on va lire simplement 17 plutôt, Jean 1, 17, il est dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, c'était que s'il y avait un fils rebelle, il soit corrigé par ses parents. Si les parents n'arrivaient pas à le reprendre, il fallait qu'il l'emmène, alors il fallait qu'il soit assez fort pour se saisir de lui et l'emmener devant les anciens de la ville, les responsables civils, et à la fois c'était aussi des responsables civils et religieux, et que là, s'il ne voulait pas entendre raison, on le condamnait à mort. Et on se dit qu'à l'époque de David, déjà ce commandement ne devait plus être tellement appliqué, parce qu'on connaît la terrible histoire d'Absalom. Absalom, le fils du roi, le prince Absalom, qui s'était carrément révolté contre son père David et qui avait essayé de, qui est en train d'essayer en ce moment dans notre passage, de prendre le pouvoir sur le trône de son père. Son père a fui. Pendant que son père était en fuite sur le conseil d'Aïtophel, le grand-père de Bathsheba avec qui David avait péché et commis l'adultère, Absalom a violé les 10 concubines que son père avait laissées pour garder le palais. Il s'était montré ainsi odieux et il n'y avait plus de réconciliation possible. Mais on va voir que David était un papa qui avait du mal à appliquer la discipline avec ses enfants. C'est un grand guerrier, un grand roi qui pouvait organiser des choses fantastiques au niveau de l'État, du gouvernement, c'est sous son règne que Israël a été au fait de sa gloire et qu'il a pu passer à son fils Salomon le grand royaume d'Israël. Mais là, pour l'instant, David est en fuite. Il a pu être conseillé par Hushai qu'il fallait mieux qu'il passe le Jourdain pour pouvoir lutter contre les troupes d'Absalom qui le recherchent. Et on va lire à partir du verset 1 dans le chapitre 18. David dénombra le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. David envoya le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruya, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Ittai de Gath. Puis le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras pas, car si nous nous enfuyons, on ne ferait pas attention à nous. Et quand la moitié d'entre nous mourrait, on n'y ferait pas attention. Mais maintenant, tu es comme 10 000 d'entre nous. En outre, il est bon que de la ville tu puisses nous porter secours. Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Ittai. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Arrêtons-nous ici. David reste ce grand guerrier, ce grand stratège. Il était parti, il s'était enfui de Jérusalem avec seulement quelques centaines de ses plus vaillants guerriers. Mais on voit déjà qu'il a recueilli le soutien de plusieurs milliers de personnes qui se rappelaient de sa grandeur et de sa royauté. Et là, David compte le nombre des gens qui sont avec lui et il les organise. Il les organise en 3 troupes, une sous le commandement de Joab, une autre sous celle de son frère Abishai. Et puis vous souvenez, il y avait ce personnage qu'on a rencontré un peu avant dans le texte, Ittai de Gath. Ittai le Gathite, comme certains l'appellent. Lui, on avait vu qu'en fait, c'était un mercenaire qui avait décidé de suivre David, quelles que soient les conséquences directes pour lui. Il n'était pas là pour son intérêt, il était là parce qu'il était convaincu que c'était la bonne chose que de supporter, de soutenir David, qu'il respectait, qu'il aimait. Et j'avais rappelé à cette occasion que nous tous, on peut des fois commencer à suivre Dieu, suivre Jésus-Christ pour ce que on peut en retirer. La paix, des ressources, l'espoir. Et on fait ça un peu comme Ittai le faisait au départ, c'est-à-dire qu'on est des mercenaires. On suit Jésus, non pas parce qu'on est engagé à la vie, à la mort, mais parce que pour l'instant c'est la bonne chose à faire. On est peut-être entouré d'autres chrétiens, on se dit que finalement il vaut mieux être comme tout le monde, ou on pense que ça va nous apporter quelque chose. Il y a certaines fausses doctrines, notamment la doctrine de la prospérité, qui vous dit que si vous suivez Jésus, vous allez être béni, que si vous insistez, si vous priez avec force, vous allez pouvoir causer des choses que vous souhaitez, les forcer à venir en existence. Alors c'est une doctrine malheureusement qui plaît à la chair, avoir la santé, avoir la richesse, qui serait assez masochiste pour dire non, je veux être pauvre et malheureux, mal portant. Mais avec le Seigneur, on n'a pas de garantie de bonne santé, on n'a pas garantie de prospérité, on a simplement la garantie de sa présence et de son amour dans toutes les situations de la vie, et l'assurance d'une vie éternelle avec lui. Et ça, c'est déjà une chose qui est merveilleuse en soi. Et on pourrait être tenté de se dire, ceux qui suivent le Seigneur dans ces conditions, eux aussi, ils veulent retirer quelque chose. Mais si on a la vision, la perspective éternelle, les circonstances de la vie ne vont pas nous faire tomber de cette foi en Christ. On va le suivre, quel que soit le prix, quelles que soient les circonstances, parce que on l'aime, parce qu'il nous a aimé le premier. Et donc cet Ittai lui disait, non, moi je te suis à la vie, à la mort. Et je disais, il est devenu de mercenaire, il est devenu volontaire. Et nous, en tant que chrétiens, nous aussi, on doit être prêts à suivre Jésus, même comme on le chante dans cette chanson, béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans la souffrance, même si on a des épreuves, même si on a des revers de fortune, c'est pas une raison pour laisser tomber Jésus-Christ et penser que ben, il n'est pas là pour moi, ou si j'ai des épreuves, c'est que soit il est impuissant, soit il n'existe pas, soit il me veut du mal. Non, Ittai, il a décidé de suivre David, et nous, nous devons décider de suivre Jésus. C'est un peu ce que symbolise l'engagement du baptême, c'est qu'on se mouille, c'est le cas de le dire, pour Jésus, et publiquement on s'engage. L'engagement, c'est une notion qui est un peu laissée pour compte maintenant dans notre société. C'est tellement rare que ça devient un argument publicitaire. Le contrat de confiance d'Arty. Ça, c'est incroyable qu'une boîte s'engage à vous réparer votre appareil, à vous donner les meilleurs prix, parce que les gens ne s'engagent plus maintenant. Les engagements, le mariage, bon, ben, tant que ça va bien. Et puis quand ça marche plus entre nous, ben, on laisse tomber, on cherche ailleurs. Au travail, les gens travaillaient avant. Maintenant, c'est vrai que les circonstances économiques font que c'est différent. Et moi, j'étais rentré dans une boîte aux États-Unis qui s'appelait AT&T. C'était la boîte des téléphones aux États-Unis. À l'époque, il y avait un monopole. Le patron de mon patron, le premier jour, je l'avais rencontré aux toilettes. Il m'a dit « Ah bonjour, tu arrives ? Ah mais c'est formidable, tu vas voir ici, c'est formidable. Moi, je vais prendre ma retraite la semaine prochaine, j'ai travaillé ici pendant 35 ans. » À l'époque, les gens s'engageaient. Les gens avaient le conscience de dire qu'on avait donné sa parole, on l'a respectée. Maintenant, on vous regarde de façon bizarre si on n'est pas mobile. La mobilité a remplacé l'engagement. Et Ittai, lui, s'était engagé. Il s'était engagé et sachez que si vous vous engagez, le Seigneur vous récompense. Le Seigneur apprécie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves, il n'y a pas des moments de fuite, il n'y a pas des moments de combat où on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Mais David avait récompensé cet engagement, cette fidélité de Ittai, qui n'était même pas de son peuple, mais il était de Gath, chez les Philistins. Il l'avait mis au même niveau que Joab, le chef de son armée. Il lui avait donné un tiers de ses troupes. Et donc, Ittai se retrouve au même titre que Joab et Abishai, qui étaient des neveux de David, responsables d'un tiers des troupes. Et puis, on passe à un épisode intéressant. David n'est plus très jeune. On pense qu'à ce moment-là, il a probablement dépassé la soixantaine, peut-être 65 ans. Son fils Absalom, qu'il appelle le jeune Absalom, il a probablement dépassé la quarantaine. Mais c'est vrai que pour un papa, je disais à Karim que je me rappelais comme si c'était hier de la naissance de Sébastien, de Tonio. Et je lui disais, apprécie ces moments parce que il passe trop vite. Apprécie la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse. La vie passe très vite. Ça passe trop vite. Et les hommes disent à David, écoute David, on sait que tu es un grand guerrier, tu as vaincu Goliath, tu es formidable, mais tu devrais rester derrière. Et alors ils sont polis, ils essayent de trouver des arguments. En fait, ils ne lui disent pas, tu n'as plus les mêmes réflexes. Tu n'es plus aussi rapide, aussi fougueux que quand tu avais 18 ans, 25 ans. Et ils lui disent, ils utilisent un argument qui lui paraît sage à David, c'est le fait que toi, tu es trop valable, tu es trop précieux. Si on va se battre avec toi, tout ce que voudront les autres, c'est t'attraper toi, parce que tu es comme 10 000 d'entre nous. Ça nous rappelle, c'était un peu gravé dans leur subconscient, ce chiffre de 10 000. Vous vous souvenez, quand il avait vaincu Goliath, les femmes chantaient « Saül a vaincu ses 1 000, mais David, lui, il a vaincu ses 10 000 ». Le fait que David, il était tellement valable comme combattant, ils lui disent, tu ferais mieux de rester derrière. Et puis en plus, toi, tu seras capable, si on a des difficultés, de trouver un autre plan. Tu pourras nous porter secours, tu pourras rameuter d'autres troupes et venir nous aider. Et là, on voit une réponse qui peut surprendre chez un grand chef comme un grand leader comme David, mais il leur répond humblement, je ferai ce qui vous paraît bon. Et là, on voit une certaine sagesse d'un leader qui peut se rallier à l'avis de ses conseillers s'il trouve que cet avis est justifié. Il ne se bloque pas en disant « Ah non, il n'est pas question, c'est moi le chef, c'est moi qui y vais. » Non, il leur dit « Si ça vous paraît bon. » Et donc il reste derrière et il laisse partir les troupes. Le peuple sortait par centaines et par milliers, très organisé. Et puis il a cet ordre qu'il donne à ses trois chefs. Par amour pour moi, allez-y mollo avec Absalom. Autrement dit, d'après Deutéronome 21, ça faisait longtemps qu'il aurait mérité d'être lapidé, cet Absalom, mais le cœur, la tendresse de David se manifeste encore pour son fils et il leur dit en essence, ne le tuez pas s'il vous plaît, par amour pour moi. Bien qu'il ait humilié David, qu'il soit prêt à prendre le royaume, qu'il soit prêt à diviser, à faire des choses terribles. Il avait fait des choses horribles avec ses concubines, humiliantes pour son papa. Mais son père garde de la tendresse pour lui. Cette tendresse, c'est de la faiblesse. Mais David est ainsi. Il ne veut pas qu'il arrive malheur à son fils. On va lire à partir du verset 6. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendut sur tout le pays et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. Ça veut dire qu'en fait, il y a un terrible combat qui se livre dans... David, avec sagesse, s'est positionné près d'une forêt. Et c'est drôle de voir que David combat contre Israël. David, le grand roi d'Israël, doit combattre par ses troupes interposées. La majorité du peuple d'Israël qui s'est rallié à Absalom. Et là, il y a une terrible catastrophe, 20 000 personnes meurent, une grande défaite de 20 000, c'est comme ça qu'on le lit. Il est dit que la forêt a dévoré les troupes, ça ne veut pas dire que les arbres se sont mis à manger les gens, mais c'était un lieu où les troupes aguerries de David étaient plus à même de se battre. Il y avait sans doute aussi le terrain montagneux qui faisait que des hommes sont tombés dans des précipices. Certains commentateurs pensent que peut-être il y avait même des animaux sauvages qui ont attaqué. Il n'y a pas de raison de croire ou d'écarter cette option. Mais toujours est-il que 20 000 personnes vont mourir. Toujours suite à la rébellion. D'Absalom. Verset 9, Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Absalom était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous la ramure d'un grand chêne et la tête d'Absalom fut prise dans le chêne. Il resta entre ciel et terre pendant que le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint le rapporter à Joab en ces termes. Voilà ce que j'ai vu. Absalom suspendu à un chêne. Joab dit à l'homme qui lui a rapporté cela, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas frappé sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans le creux de mes mains 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi, car c'est à nos oreilles que le roi t'a donné cet ordre, ainsi qu'à Abishai et à Ittai. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'avais agi d'une manière insidieuse au péril de ma vie, rien n'aurait été dissimulé au roi et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit : Je n'ai certainement pas m'attardé avec toi. Il prit en main 3 épieux et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du chêne. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner du cor, verset 16, et le peuple revint sans poursuivre davantage Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt. Ils élevèrent sur lui un très grand tas de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait élever le monument qui est dans la vallée du roi, car il disait : Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son nom, son propre nom, au monument qu'on appelle encore aujourd'hui Mémorial d'Absalom. La triste fin d'Absalom. La Bible ne manque pas d'ironie. On se rappelle que Absalom était omnubilé par sa beauté et par sa chevelure qu'il faisait peser quand on lui coupait les cheveux, qui montrait à quel point il était imbu de sa personne et de sa beauté. Et c'est ce qui était considéré comme sa force qui va être la cause de sa perte. Et ça, c'est un épisode un peu tragicomique dans le sens où Absalom, qui est pas sur un âne, des fois on dit monte sur ton âne, mais là il est sur un mulet. Encore une fois, la mule ou l'âne pouvait être à cette époque un symbole de royauté, donc il insistait, au lieu d'être sur un cheval rapide, il est sur cette mule qui, dans la bataille, passe sous un chêne et ça, il se fait accrocher la tête. On ne sait pas si c'est parce que ses cheveux sont si longs qu'il reste pris dans les branchages ou s'il se coince la tête. Mais il se retrouve accroché et la mule, elle, continue. Et donc cet épisode un peu comique où ce grand chef guerrier, entre guillemets, se retrouve à pendre de l'arbre. Ce qui est triste, c'est que comme il était à dos de mulet, on peut penser qu'il allait plus vite que ses troupes. Et ses troupes qui fuyaient ont dû le voir, mais pas un n'a fait le geste pour l'aider. Lui n'avait sans doute pas pris d'épée avec lui. On doute qu'il était un très grand guerrier lui-même. Il n'a pas d'arme pour couper ses cheveux. Et un homme de la troupe de Joab le voit ainsi pendu entre ciel et terre, comme il est dit, et le rapporte à Joab. Et Joab lui dit : Mais ça va pas, tu l'as vu et tu l'as pas achevé. Et là, cette phrase : Je t'aurais donné 10 pièces d'argent. On peut comprendre que ce soit quelque chose qui soit encourageant pour faire ça. Mais il lui dit : Je t'aurais donné une ceinture. On se dit : Bon, les pièces d'argent, je veux bien, mais une ceinture, pourquoi ? Alors, c'est vrai que, un peu comme aujourd'hui, dans les arts martiaux, au judo, il y en a qui font du judo, du karaté, ou qui en ont fait. Ah, n'ayez pas honte. Vous êtes ceinture noire ou ceinture. Une ceinture, c'était un titre, un symbole d'autorité. Donc, il lui aurait donné de l'argent et une promotion. Mais l'homme, qui ne manque pas de sagesse, lui dit. Même si on m'avait donné 10 000 pièces d'argent, j'ai entendu 1 000 pièces d'argent, j'ai entendu le roi, parce qu'il avait parlé publiquement, il envoyait ses troupes à la guerre contre Absalom et dit : Soyez gentils avec Absalom. Ce n'était pas très encourageant pour les troupes, mais cet homme a bien pris note de ça et se dit : Si moi je vais tuer le fils du roi, je sais que même toi tu ne me défendras pas contre lui. Et je vais me retrouver condamné à mort par le roi si je fais une telle chose. Et Joab, qui était on a souvent noté cette caractéristique, quelqu'un de rustre, de violent, un soldat qui n'hésitait pas à envoyer Uri à la pointe du combat, qui était prêt à tuer de sang-froid, on l'a vu à plusieurs reprises, va prendre les choses en main lui-même et il va mettre à mort, ou du moins blesser, en envoyant 3 morceaux de bois pointus dans le cœur d'Absalom. qui n'est pas encore mort, parce que c'est 10 jeunes des écuyers de Joab, de ses aides de camp, on dirait, qui vont frapper Absalom et le faire mourir. Joab décide que la guerre est finie avec la mort d'Absalom. Il ne consulte pas le roi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité et qui était prêt à se passer de l'ordre du roi. Il arrête la poursuite sur les anciens soldats d'Absalom. Et ils prennent Absalom et il le jette dans une tombe qu'il recouvre de pierres, dans une grande fosse au milieu de la forêt. Et chacun jette une pierre sur lui. C'était un signe de mépris. Et tout Israël s'enfuit. Et on rappelle que de son vivant, Absalom, qui était très orgueilleux, avait construit pour lui-même un monument à sa gloire, un monument pour qu'on l'enterre dedans, mais qu'on appelait à l'époque le mémorial d'Absalom. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, on peut voir dans la vallée du Kidron un monument qui s'appelle encore le mémorial d'Absalom, mais on doute que ce soit le même. Il a probablement été reconstruit, mais Absalom a une fin tragique. Verset 19, il est dit que le fils du grand prêtre Ahimaatz est plein d'impatience, il veut courir, annoncer la bonne nouvelle. C'est un mot qui va revenir dans ce passage, au roi, pour dire que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. On peut penser qu'il a bien pris conscience de la mort d'Absalom. Mais Joab, qui connaît le roi, qui se rappelle que lorsqu'on a annoncé des mauvaises nouvelles au roi, on a annoncé la mort de Saül et de Jonathan, les hommes ont été passés par les armes. Ahimaatz, fils de Tsadok, dit « Je vais courir porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Mais Joab lui dit « Non, tu ne seras pas un porteur de bonnes nouvelles aujourd'hui, tu porteras de bonnes nouvelles un autre jour. Mais tu n'en porteras pas, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à un autre, un Cushite, c'était les habitants de Cush, c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui. Joab dit donc à un esclave éthiopien, « Va et rapporte au roi ce que tu as vu. » Le Cushite se prosterna devant Joab et courut. Intéressant de noter au passage que ça fait longtemps que les Éthiopiens sont connus pour leur capacité de coureur de longue distance. Encore une fois, la Bible s'inscrit dans l'histoire, dans la réalité, pas de fable ou de fantaisie. Et le Cushite se prosterna devant Joab et courut, mais le fils de Tsadok, Ahimaatz, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, je vais courir moi aussi derrière le Cushite. » Et Joab lui dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils ?» Encore une fois, ça ne sera pas une bonne nouvelle profitable pour toi. Il dit, va pas annoncer au roi que son fils Absalom est mort, il pourrait t'arriver malheur. Mais ce jeune Ahimaatz dit, quoi qu'il arrive, je veux courir, il est impatient, il veut courir et annoncer quelque chose. Et Joab lui dit, bon ben vas-y, cours. Ahimaatz courut par le chemin de la plaine et il dépassa le Cushite. David était assis entre les deux portes. À la porte de chaque ville, il y avait deux portes. Il y avait la porte qui donnait sur l'extérieur et il y avait généralement un angle droit et une autre porte qui permettait de rentrer vraiment dans la ville. Et cet angle droit, on le trouve encore quand on visite Israël aujourd'hui, permettait aux troupes qui défendaient la ville de pouvoir attaquer les personnes qui s'approchaient dans ce sas et de leur verser dessus des pierres, de l'huile bouillante et des tas de choses, des flèches. Mais le roi était tellement impatient d'avoir des nouvelles. Il nous rappelle un peu le père du fils prodigue. Il est là, il attend, et il guette des nouvelles de la bataille. Son cœur est partagé, il sait qu'il veut reprendre le pouvoir sur les troupes les troupes qui ont suivi Absalom, mais en même temps il a peur pour Absalom. Il a peur qu'il soit mort. Et on voit, verset 24, David était assis entre les deux portes, la sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille, elle leva les yeux et regarda, voici qu'un homme courait tout seul. La sentinelle cria et l'annonça au roi. Verset 25, le roi dit, s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Et cet homme approchait peu à peu. Le roi essaye de se convaincre. Il se dit, ah ben, s'il est seul, ça doit être bon signe. Mais, verset 26, la sentinelle vit un autre homme qui courait. La sentinelle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi de bonnes nouvelles. Là encore, il a dit qu'il fallait qu'il y ait, s'il n'y en avait qu'un, c'était bon signe. Maintenant, il y en a deux, il dit, ça doit être des bonnes nouvelles aussi. La sentinelle dit, à mon point de vue, la manière du courir du premier est celle d'Ahimaaz, fils de Tsadok. Le roi dit, c'est un homme de bien, il arrive pour de bonnes nouvelles. Au passage, c'est intéressant que Ahimaaz avait un style de très particulier qui faisait qu'on le reconnaissait à distance la façon dont il courait. David essaye toujours de se convaincre que quoi qu'il advienne, ça va être des bonnes nouvelles. Et Ahimaaz cria et dit au roi, salut. Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui a livré des hommes, les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. Le roi dit, le jeune Absalom est-il sain et sauf? C'est sa première question. Tout un peuple qui est prêt à prendre le pouvoir, à diviser le royaume, à l'effacer, lui, le roi David. Mais tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce qu'il est sain et sauf? Mon petit bout de chou. Ahimaaz répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur. Mais je ne savais pas ce que c'était. Le roi dit, écarte-toi et tiens-toi là. Et Ahimaaz s'écarta et reste debout. Et voici que le Cushite, l'Éthiopien, arriva. Le Cushite dit, que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui se dressaient contre le roi. C'est mauvais signe, ça. Cet homme lui dit qu'en fait, tous ses adversaires ont été vengés par l'Éternel. Il a été vengé de tous ses adversaires par l'Éternel. Et le roi, encore une fois, dit au Cushite, le jeune Absalom est-il sain et sauf? Le Cushite répond, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon Seigneur, le roi et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. Autrement dit, il est mort. Deux coureurs, un qui est tout impatient de courir, qui fait beaucoup de bruit, qui veut se faire remarquer, qui veut arriver le premier. Et puis un autre, moins voyant, plus discret, qui est fidèle, qui amène la nouvelle, mais qui donne la vérité. Ça peut nous faire poser nos questions sur la façon dont nous partageons la vraie bonne nouvelle. Vous voyez que il est question dans ce passage, 9 fois, je crois, de ce terme, de bonne nouvelle au pluriel. Et nous avons une vraie bonne nouvelle. Que Dieu nous aime, qu'il y a un Dieu d'abord, qui nous aime, que nous ne méritons pas son amour, mais que si nous confessons nos péchés, si nous acceptons le sacrifice de ce Dieu qui s'était fait homme, de ce Dieu qui s'est fait homme, alors nous pouvons avoir la vie éternelle. Cette bonne nouvelle, est-ce que nous l'annonçons discrètement mais fidèlement? Ou est-ce que nous voulons qu'on nous remarque pour la façon dont on court, la façon dont on peut parler, de présenter les choses? Et puis au dernier moment, bon, on dit on ne sait pas trop. Oui, je crois que... Est-ce qu'on est des témoins fidèles, des messagers fidèles de la bonne nouvelle du roi? Il y a un pasteur américain bien connu, David Wilkerson, qui s'est fait connaître par un livre, La Croix et le Poignard, qui a développé un ministère dans la ville de New York, dans les quartiers difficiles, et qui a vu de grands résultats en annonçant la vérité. Et il trouve en fait que Il y avait un article de lui dans un magazine chrétien franco-suisse qui s'appelle « Le christianisme aujourd'hui ». Et le titre de cet article, c'était que les... En France, il trouve que les pasteurs badinent. Les pasteurs causent. Les pasteurs annoncent, sont contents lorsqu'il y a du monde le dimanche, et puis c'est tout. Et qu'en fait, on est prêt à tout faire pour faire venir ce monde. On organise beaucoup de manifestations qui peuvent plaire au monde. On insiste sur la communion. Et tout ça, c'est des bonnes choses. Mais est-ce qu'on occulte le message, à savoir qu'il y a un enfer qui attend ceux qui ne viennent pas à Christ? Ça, c'est pas populaire comme message. Mais ça, c'est le message, le témoignage fidèle. Et plaise à Dieu qu'on puisse vraiment, moi le premier, ne pas badiner. Ne pas dire, oh, c'est merveilleux, si tu viens à Dieu, ça va ajouter des choses dans ta vie, mais qu'on leur dise, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Et là, ce Haïmats, le fils du grand-père, lui, il était prêt à se faire remarquer, mais quand il fallait donner la nouvelle qui ne plaît pas, il n'était pas prêt à le faire. Est-ce que moi, je suis prêt à... Il se trouve que le roi David n'a pas coupé la tête du Couchite, mais il prenait un grand risque en annonçant la vérité. Peut-être que le Joab ne l'avait pas prévenu du danger, mais est-ce que moi, je suis prêt à affronter le danger de perdre l'amitié de certaines personnes que j'aime bien, qui me sont proches, en leur disant, écoute, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on se connaît, on se connaît peut-être en classe, tu vois, je vais au GBU, mais c'est pas seulement un club, le GBU. C'est un club où on annonce la vérité de la Bible. Je vais au café-bar, mais c'est pas seulement pour boire de bons lattés, pas cher, et d'avoir Wi-Fi gratuit, et des gens sympas, des jolies œuvres d'art, des gens sympas, des gens qui parlent anglais, ça peut améliorer ton anglais. Tout ça, c'est des bonnes choses qui peuvent faire que les gens vont entendre le message. Mais si en fin de compte, on ne délivre pas le message, alors on peut fermer et on peut retourner à nos occupations. On est porteur d'un message terrible, dans le sens où si on ne le délivre pas, c'est la mort pour les autres. Est-ce que nous en sommes convaincus? Ou est-ce qu'on est, oh, il faut pas choquer les gens, il faut qu'ils viennent. Et là encore, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de méthode à suivre par A plus B, c'est être prêt à perdre quelque chose pour annoncer le message de l'Évangile, la vraie bonne nouvelle. Voilà, on va juste terminer par la réaction du roi. Le roi, tout frémissant, monta dans la chambre haute de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils, on fit ce rapport à Joab. Voici que le roi pleure et mène le deuil sur Absalom. » Et la victoire, ce jour-là, devint un deuil pour tout le peuple. Car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée comme un peuple confit de s'être enfui dans le combat. Le roi s'était couvert le visage. Le roi criait à haute voix, mon fils Absalom, Absalom, mon fils. Joab arriva auprès du roi à l'intérieur et dit, tu couvres aujourd'hui de honte la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie. La vie de tes fils et de tes filles, la vie de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu as de la haine pour ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a point pour toi ni chef ni serviteur qui compte. Et je reconnais aujourd'hui que si Absalom vivant et que nous soyons tous morts en ce jour, tu trouverais cela normal. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de ses serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors point, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors le roi se leva pour siéger à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici le roi, il siège à la porte. Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui chacun dans sa tente. un épisode intéressant. On voit que, encore une fois, ce qui compte le plus pour David, c'est son fils Absalom. Sa tendresse est une grande faiblesse. Et tout ce qu'il fait alors que ces hommes viennent de remporter une grande victoire, c'est qu'il tourne cette victoire en deuil national. Les soldats qui ont vaincu les troupes ennemies ont honte de ce que le fils du roi est mort et que le roi est dans la douleur. Et il est dit qu'ils rentrent dans la ville à la dérobée, comme s'ils étaient un peuple qui s'était enfui au combat. Et en fait, l'attitude de roi est en train de pourrir toute l'âme du pays. Le peuple est découragé, il porte le deuil et il se moque bien de ces hommes qui ont remporté une victoire pour lui. Et il faut encore une fois toute la rudesse, toute la brutalité, mais aussi dans ce cas-là la sagesse de son général en chef, Joab, pour qu'il lui remonte les bretelles, comme on dit poliment. Il lui dit, attends, là tu dépasses les bornes, tous ces gens qui se sont battus pour toi, qui t'ont sauvé la vie de tous tes proches, tu te moques d'eux et tu les couvres de honte. Ça va pas ça. On a l'impression que si nous tous on était morts, tes troupes étaient mortes et que Absalom était vivant, alors tu préférais cette situation. Il faut que tu sortes de cette stupeur, de cet endormissement, et lui dit, lève-toi donc, va parler à tes serviteurs, félicite-les pour la victoire qu'ils ont remportée. Secoue-toi, David, il y en a marre. Il est très ferme avec son roi, et on peut dire, il fallait le caractère de Joab qui était violent et qui, quelque part, là, montre de la sagesse envers David. Et il le reprend et il lui dit, maintenant ça suffit, reprends-toi, Absalom, tu aurais dû le mettre à mort si tu avais suivi Deutéronome 21-21 il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il méritait de mourir. D'accord, c'était ton fils, ça reste ton enfant, mais reprends-toi et sinon tu vas tout perdre. Et tout Israël va périr. Et donc là, ça marche. Le roi va se secouer et on va voir dans la suite du récit qu'il va revenir et qu'il va reprendre ses esprits. Ça nous montre que notre attitude, si on est responsable, que ce soit une maman dans sa famille, que ce soit quelqu'un responsable d'une étude, un pasteur, un missionnaire, quelqu'un au travail, vous n'êtes pas tout seul. Et nos sentiments, nos peines, il y a des moments où on doit les surmonter. Sinon, ça affecte ceux qui nous entourent. Si je viens le dimanche matin, je vous dis, ah, c'est difficile. Ah, c'est pas... Oh là là. J'ai encore vécu une semaine terrible. J'ai encore été vaincu par le péché. Semaine après semaine, on n'y arrive pas. Hein. C'est pareil pour vous. Oh là là, oh, c'est vraiment... Il y a des moments aussi où je dois me reprendre et je dois dire... Et c'est souvent en se fortifiant dans le Seigneur, en revenant à Christ, en disant, attends, d'accord, tu es faible, tu es... Mais ces personnes ont besoin d'être encouragées dans le Seigneur. Et vous aussi, dans les situations que vous vivez, il y a des moments où il faut vous prendre par les bretelles et vous remettre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'exprime pas ses sentiments. Il ne s'agit pas de prétendre qu'on n'a pas de sentiments. David est un exemple dans ses psaumes de tous les sentiments par lesquels on passe. Les sentiments ont une place, mais il y a un moment où il faut dire stop aux sentiments. Il y a des priorités, il y a une guerre en pratique. On vit dans un combat. Et c'est bien d'avoir un moment de peine, c'est bien d'avoir des moments de tristesse, mais il y a des moments où on n'a pas le droit de se laisser aller à la déprime si on a des responsabilités vis-à-vis des autres. Je sais qu'une maman, il y a des moments où c'est très dur. Mais si elle est toujours en train de gémir et de se plaindre, est-ce que vous croyez que son enfant ou ses enfants vont être des gens prêts à être courageux et affronter les épreuves? Ils vont perpétuer le cycle. Et là, il faut toute la rudesse et le bon sens pratique de Joab qui dit « Attends, là tu dépasses les bornes, tu préférais qu'on soit mort et que ce soit Absalom qui ait le pouvoir, qui lui veut te tuer, tu débloques complètement, comme on dit. » Et ce qui est merveilleux, encore une fois, c'est que David, cet homme selon le cœur de Dieu, il est prêt à admettre oui, qu'il est à côté de la plaque. Il se relève, il va siéger à la porte, il va assumer ses fonctions, et on fait dire à tout le peuple, voici le roi, ça y est, il siège à la porte, et on peut envisager un retour à la paix. Et David, dans cette douleur qu'il a pour son fils, on peut penser, bien sûr, il y a la tendresse, mais il y a aussi sans doute la culpabilité de se dire que c'est son exemple qui a conduit son fils à commettre ces atrocités. Il y a beaucoup de regrets, probablement, mais avec Dieu, il doit se reprendre, et il doit surmonter sa tristesse. Et là, c'est un peu la fin de cette période. Les choses vont aller mieux pour David. On voit qu'il a subi les conséquences de ses terribles péchés. Il a perdu le fils qu'il a eu avec Bathsheba. Il a perdu Amnon, que Absalom a tué. Tamar s'est faite violer par Amnon. Là, son fils Absalom, qui était l'héritier qui restait après, il a payé durement. Vous vous souvenez, il avait dit que celui qui avait volé la petite brebis devait être puni et devait rendre au quadruple, je crois que c'est ça, hein, de Samuel 12. La colère de chapitre 12, verset 5, « La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. » Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » David a supporté toute cette punition. Ces conséquences du péché, avec humilité, en dépendant de la bonne volonté de Dieu. Et là, il arrive un peu à la fin de ce triste épisode. Et là, il y a aussi une réponse pour ceux qui demandent, et je sais que même parmi nous, il y en a beaucoup qui se demandent, comment ça se fait que le méchant prospère ? Absalom, de toute évidence, était un méchant, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui était prêt à tuer son propre père, à violer ses femmes, ses concubines. Et il semblait que tout lui réussisse. Mais là, on voit en quelques instants, il se fait prendre par ses beaux cheveux qu'il adorait tant. Et en quelques instants, la situation est renversée. Et ça, je crois que ça nous montre qu'en fait, Dieu laisse le méchant subsister tant que c'est selon son dessein, tant que ça rentre dans les plans de Dieu. Mais dès que c'est l'usage pour lequel Dieu a laissé le méchant prospérer est fini, de ramener David à la raison, de vérifier qu'il était vraiment repentant, de subir les conséquences de son péché, dès que Dieu a fini de son dessein avec le méchant est enlevé. C'est important de s'en convaincre, c'est important de ne pas l'oublier, parce que trop souvent les personnes se découragent en disant « mais ça ne sert à rien de faire confiance à Dieu ». On peut lire pour terminer le psaume 37, ce passage, psaume 37. Donc quand on connaît bien la vie de David, on peut avoir le sentiment, on peut lire les psaumes en voyant les passages qu'il a écrits dans les psaumes en essayant de les relier aux épreuves les moments qui l'ont inspiré. On va lire psaume 37 à partir du verset 32. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne l'abandonne pas entre ses mains et il ne le laisse pas condamner quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voilà qu'il n'est plus. Je l'ai cherché mais il était introuvable. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Seigneur, nous te remercions de cet exemple qui nous rappelle que tu restes souverain, tu restes en contrôle. Et Seigneur, je veux te demander de nous fortifier pour être des messagers de ta bonne nouvelle. Que nous ne nous inquiétons pas de savoir pourquoi ceux qui te renient, Seigneur, semblent prospérer, semblent avoir tout qui leur réussit, semblent ne jamais tomber malade, semblent ne jamais être pauvres. Seigneur, on veut te faire confiance. Tu es l'Éternel. Nous voulons nous réfugier en toi parce que tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Seigneur, je te prie de nous aider maintenant à recevoir la Sainte Cène dans un esprit d'adoration et d'humilité, de reconnaissance pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour nous, pauvres pécheurs. Seigneur, que tu nous diriges en ce temps maintenant. Amen.